Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 160. De la modestie. La modestie est une partie de la tempérance. Son objet. 1. La modestie fait-elle partie de la tempérance? Les vertus devant régler la vie de l'homme tout entière, il faut que, si l'une d'elles sert de règle à ce qui est plus difficile et plus important, il y en ait une autre qui préside aux choses moins importantes et moins difficiles. De même que, après la magnificence, qui règle les grandes dépenses, la libéralité dirige les dépenses médiocres. De même, après la tempérance, qui modère les plaisirs du toucher, la modestie réprime les autres choses plus faciles à régler. Elle est unie à la tempérance comme une vertu secondaire à la vertu principale. 2. La modestie concerne-t-elle seulement les actions extérieures? La modestie règle quatre choses. Premièrement, l'inclination de l'âme à s'attribuer l'excellence, inclination réprimée par l'humilité. Deuxièmement, le désir de savoir, désir modéré par l'amour de l'étude, opposé à la curiosité. Troisièmement, les actions du corps dans les jeux comme dans les fonctions sérieuses. Quatrièmement, les ornements extérieurs, les vêtements et les autres choses pareilles. Elles concernent, en conséquence, non seulement les actions extérieures, mais les mouvements intérieurs de l'âme. Note. Saint Paul parlait de la modestie extérieure quand il disait que « votre modestie soit connue de tous les hommes » Philippiens 4, 5. Il n'entendait pas que cette vertu ne règle point les actes intérieurs, dont les actions visibles sont la manifestation. La modestie règle notre intérieur par la douceur et l'humilité, et notre extérieur par la décence et l'honnêteté. Question 160 extraite de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Traduction et note par F. Lacha, volume 10, Vives, 1858. De la modestie. Parlons maintenant de la modestie. D'abord de la modestie en général, et ensuite de chacune des espèces qu'elle comprend. Sur le premier point nous examinerons deux choses. Premièrement, la modestie est-elle une partie de la tempérance? Deuxièmement, quelle est la matière ou l'objet de la modestie? Article 1er. La modestie est-elle une partie de la tempérance? Il paraît que la modestie n'est pas une partie de la tempérance. Premièrement, modestie vient de mode. Or, le mode est nécessaire en toute vertu, car la vertu tend au bien, et le bien, dit saint Augustin, De natura boni, 1, consiste dans le mode, l'espèce et l'ordre. La modestie est donc une vertu générale, d'où il suit qu'elle ne peut faire partie de la tempérance. Deuxièmement, le mérite de la tempérance consiste principalement dans la modération, de laquelle la modestie a pris son nom. Celle-ci est donc la même chose que la tempérance, et non une de ses parties. Troisièmement, la modestie paraît consister dans la correction du prochain, selon cette parole de saint Paul, de Timothée 2, le serviteur de Dieu ne doit pas aimer les disputes, mais se montrer doux envers tout le monde, reprenant avec modestie ceux qui résistent à la vérité. Or, la correction de ceux qui pêchent est un acte de justice ou de charité, ainsi qu'on l'a vu précédemment, question 33, de la correction fraternelle, article 1er. La modestie fait donc plutôt partie de la justice que de la tempérance. Mais Cicéron place au contraire la modestie parmi les parties de la tempérance. Note. Dans son second livre de la rhétorique, numéro 38, le philosophe romain définit d'abord la tempérance, une domination ferme et modérée de la raison sur les mauvais penchants et les autres mouvements ou élans de l'âme qui ne sont pas conformes à la droiture. Il ajoute ensuite, les parties de la tempérance sont la continence, la clémence et la modestie. Enfin, il dit que c'est par cette dernière vertu qu'une pudeur honnête s'acquiert une autorité grande et stable. On ne saurait nier, en effet, la puissance de la modestie, qui gagne tous les cœurs, et Saint Grégoire écrivait à Justin, prêteur de Sicile, la modestie de votre démarche vous faisait aimer de ceux même qui ne l'eussent point voulu. Fin de la note. Conclusion. Comme la tempérance a pour objet de réprimer les plaisirs du toucher, qui sont les plus difficiles à régler, tandis que la modestie réprime les autres plaisirs, plus faciles à modérer, il est évident qu'elle est jointe à la tempérance comme à la vertu principale, et qu'elle en est ainsi une partie potentielle. La tempérance modère les passions les plus difficiles, c'est-à-dire les concupiscences des plaisirs du toucher. Or, là où une vertu principale règle spécialement ce qui a le plus d'importance, il faut qu'il y ait encore une autre vertu qui s'occupe des choses moins difficiles, car toute la vie de l'homme doit être réglée par la vertu. C'est ainsi qu'après la magnificence qui a pour objet les grandes dépenses, on trouve la libéralité qui dirige les dépenses médiocres. Il était donc nécessaire qu'il y eût aussi une vertu qui modérât les choses de moindre importance, où la règle n'est pas si difficile à suivre. Cette vertu s'appelle la modestie, et s'adjoint à la tempérance comme à la vertu principale. Je réponds aux arguments. Premièrement, on donne quelquefois le nom général aux choses du dernier rang, c'est ainsi que le nom commun des anges désigne spécialement les esprits célestes du dernier ordre. De même le mode, que l'on observe généralement en toute vertu, a servi spécialement à nommer la vertu qui donne la mesure, la règle aux choses de moindre importance. Deuxièmement, certains objets, un vin fort par exemple, ont besoin d'être tempérés à cause de leur violence, mais la modération est requise en tous. C'est pourquoi la tempérance s'attache aux passions violentes, et la modestie aux médiocres. Note. La vertu principale règle ce qu'il y a de plus difficile, et les vertus secondaires les choses où la difficulté est moins grande. Le mode d'action est donc le même, il n'y a de différence que dans la matière ou l'objet de la vertu. Ainsi la force soutient l'âme contre la crainte dans les périls de mort, et ses vertus secondaires, la magnanimité, la patience, etc., la soutiennent dans les grandes entreprises, où les dangers sont moindres cependant que dans les occasions qui mettent la vie en péril. Fin de la note. Troisièmement, la modestie est prise ici dans son sens général, pour la mesure qui est requise en toute vertu. Article 2. La modestie a-t-elle seulement pour objet les actes extérieurs? Il paraît que la modestie a seulement pour objet les actes extérieurs. Premièrement, les mouvements intérieurs des passions ne sauraient être connus des autres. Or, Saint Paul recommande, Philippiens 4, que « votre modestie soit connue de tous les hommes ». La modestie n'a donc pour objet que les actions extérieures. Deuxièmement, les vertus qui règlent les passions sont différentes de la vertu de justice qui règle les actions. Si donc la modestie, qui est une vertu, a pour objet les actions extérieures, elle ne pourra régler aussi plusieurs passions intérieures. Troisièmement, Une seule et même vertu ne saurait avoir pour objet des choses qui appartiennent, les unes à l'appétit, ce qui est le propre des vertus morales, les autres à la connaissance, ce qui regarde les vertus intellectuelles, non plus que celles qui tiennent à l'irascible et au concupiscible. Si donc la modestie est une vertu, elle ne saurait avoir tant d'objets différents. Mais il faut, au contraire, dans toutes ces choses, garder la mesure ou le mode, qui donne son nom à la modestie. Celle-ci les a donc toutes pour objet. Conclusion. La modestie ne règle pas seulement les actions extérieures de l'homme, mais encore ses actes intérieurs. La modestie diffère de la tempérance en ce que celle-ci réprime les choses les plus difficiles, tandis que l'autre modère les choses de moindre importance. Les philosophes ont traité ce sujet de différentes façons, partout où ils ont trouvé quelques raisons de bien ou quelques difficultés spéciales, ils l'ont retiré à la modestie, pour ne lui laisser que la modération des objets les moins importants. Mais tous ont reconnu la difficulté particulière de réprimer les plaisirs du toucher, et c'est pourquoi ils ont tous distingué la tempérance de la modestie. En outre, Cicéron vit un bien spécial dans la mitigation des peines, ce qui lui fit séparer la clémence de la modestie, à laquelle il ne donne que les choses communes à régler. Ces choses sont au nombre de quatre. La première est un mouvement de l'âme qui la porte à s'attribuer quelque excellence, mouvement qui est réprimé par l'humilité. La seconde est un désir déréglé de connaître ou d'apprendre, désir que modère la studiosité qui est opposée à la curiosité. Note. Il y a beaucoup d'orgueil dans ce désir insatiable de connaître ou d'apprendre, que notre saint auteur appelle ici le vice de la curiosité. L'homme ne recherche le plus souvent en ses études déréglées que le plaisir de se croire au-dessus des autres et d'acquérir de la gloire par l'éclat de ses travaux. Ce n'est pas la vérité qu'il cherche uniquement, mais son élévation et la louange des hommes. C'est de ces savants que l'apôtre disait, qu'ils apprennent toujours, sans jamais parvenir à la science de la vérité. À ce vice, devenu si commun de nos jours, saint Thomas oppose une vertu qu'il appelle la studiosité, c'est-à-dire l'amour réglé de l'étude. Cette vertu appartient à la modestie, puisqu'elle modère l'excès qui peut se rencontrer dans la recherche de la science. Fin de la note. La troisième tient au mouvement et aux actions du corps, qui doivent être nettes, décents, dans les jeux aussi bien que dans les actions sérieuses. La quatrième se rapporte aux ornements extérieurs, comme les vêtements et les autres choses de ce genre. Quelques-uns ont fait de plusieurs de ces objets la matière de vertus spéciales, comme Andronique, par exemple, qui distingue la mansuétude, la simplicité, l'humilité, et d'autres vertus de ce genre, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Question 143. Aristote fait aussi du plaisir du jeu l'objet d'une vertu qu'il appelle le trapelli, mais toutes ces choses sont comprises dans la modestie, selon le sens que lui donne Cicéron. Et ainsi cette vertu a pour objet non seulement les actions extérieures, mais encore les actes intérieurs. Je réponds aux arguments. Premièrement, saint Paul parle ici de la modestie en tant qu'elle règle les actes extérieurs. Du reste, la modération des actes intérieurs peut se manifester par des signes extérieurs. Note. Non seulement la modération des sentiments intérieurs se traduit généralement au dehors, mais quand elle arrive à la perfection, comme dans les saints par exemple, elle devient la plus éloquente des prédications. Quand saint François passait dans les rues d'Assise, son air modeste et recueilli, L'humilité de ses regards inspirait l'amour de la vertu et touchait les pécheurs. Le saint en avait eu plus d'une fois la preuve, et pour faire comprendre à ses disciples la puissance de la modestie, il disait à son compagnon quand il sortait, « Allons prêcher, mon frère ». Les infidèles eux-mêmes ne purent résister toujours à l'ascendant qu'exerçait sur eux l'humilité extérieure des saints. C'est pourquoi saint Paul recommande que notre modestie soit connue de tous, des fidèles pour les édifier, des infidèles pour les gagner à Jésus-Christ. Fin de la note. Deuxièmement, on comprend sous le nom de modestie plusieurs vertus que certains philosophes ont crues différentes. Rien n'empêche donc qu'elle ait pour objet des choses qui exigent diverses vertus. Il y a cependant moins de différence entre les parties de la modestie qu'entre la justice, qui règle les actions, et la tempérance, qui règle les passions. Car dans les actes et les passions qui n'offrent d'autres difficultés que celles de les modérer, il ne saurait y avoir que l'objet d'une seule vertu, consistant en cette modération. Et ainsi se trouve résolue la troisième objection. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.